Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la cellule, le podcast hebdomadaire, Fabien. Mais oui. Non, on n'est plus quasiment seul, c'est fini. Voilà, le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et comme d'habitude, on va se faire un petit one shot. Fabien, tu nous as ramené un super jeu, My Life with Master. Master, la vie avec mon maître. Voilà, j'ai longtemps cru que c'était My Life with My Master, mais en fait, non, c'est with Master. With Master. Avec le maître. Avec maître. De Paul Chéguet. Qui est un auteur anglophone donc du de la Forge de ouais du forum enfin du forum maintenant fermé de The Forge mais qui est en train de réouvrir parce que c'est pas vrai. Si si, il y a Ron Edwards a ouvert un forum qui ressemble comme c'est deux gouttes d'eau. C'est un forum de Schrödinger. Exactement, il est à la fois ouvert et fermé. C'est pas vrai. Si si si si, dans lequel il y a parler des jeux de Ron, parler de la théorie et parler de vos jeux. Donc c'est une The Forge Light quoi. C'est génial cette histoire. D'accord, bon c'est bien, c'est la renaissance de The Forge. Carrément. Paul Chéguet, c'est ça? Ouais, Paul Chéguet. Alors. Et ça a été traduit par La Boîte à Eux. Très bien. En français. Voilà. Très très bien. Alors My Life with Master. On va peut-être présenter les gens avec lesquels on joue, non? Enfin, ça me fait bizarre quand même. Ouais, j'ai la patate, je suis un peu auto-centré, mais. Bonjour à My Life oui, with Master. Bonjour, je suis triste. Oh, excuse-moi d'avoir oublié. Allô, oui, c'est avec nous également. Oui, bon, moi j'ai déjà participé, c'est pas grave, on s'en fout. Et Emmanuel est avec nous, salut Emmanuel. Voilà, ouais, c'était vexant. Tu nous rejoins pour cette saison et tu feras des podcasts sur Sens aussi, j'espère. Normalement. Ouais, ouais cool. Nickel. Alors, Fabien, vas-y, présente-nous un petit peu My Life with Master. Alors, My Life with Master, ça se passe dans un château, en haute tourelle, très très loin, dans des forêts sombres. Oh ouais, trop bien. Dans la Transylvanie, quoi. Ouais, exactement. Dans lequel vit un être démoniaque qu'on appelle le maître. Le maître. Le maître qui. Communément appelé Romaric. Alors ça, c'est seulement si vous êtes fan de Sens. D'accord, ok. Et en bas de ce maître est entouré de serviteurs qui sont à sa botte. Les centimètres. Wow. Joli. Je les tire, Jameson. Et donc, il est con. Il est con et content. Et donc, ces braves gens, donc le maître a entièrement besoin de ses serviteurs pour survivre. Il a des besoins et des désirs inhumains du genre. Il a besoin de manger de la cervelle de gens. Il cherche à créer un nouvel être humain. Donc ça peut être Frankenstein, ça peut être un vampire, ça peut être le docteur Moreau. Enfin bon, ça peut être tout est possible. Il envoie ses sbires au village qui se trouve en bas du château, parce que pour tout bon château gothique, il vous faut un village, sachez-le. Ouais. Et pour un maître diabolique acheté un petit village offert. 200 fourches et faucilles. Voilà, c'est ça, avec les torches fournies avec. Et donc, pour faire du mal aux villageois, grosso modo, pour les besoins du maître. Donc, les joueurs jouent les serviteurs, le meneur de jeu joue essentiellement le maître et un peu les braves villageois. Ouais. Et tout le jeu se déroule autour du fait que les serviteurs, ils ont beau être inhumains, mal formés, tout ce que vous voulez, ben ça reste des êtres humains. Ils ont des sentiments, envers les villageois. Ils peuvent tomber amoureux, ils peuvent, par exemple, je crois que c'est là-dedans qu'il y a un exemple d'un personnage qui est un serviteur qui est complètement recousu façon monstre de Frankenstein. Et ses mains sont les mains d'un défunt. Enfin, son corps est celui d'un défunt du village. D'accord. Ça a l'air génial. Et en même temps, les serviteurs ont super peur du maître. Ils n'arrivent pas à se décrocher de lui. Ils le tiennent sous leur coupe. Enfin, bon. Et donc, les serviteurs doivent se débattre là-dedans, et au fur et à mesure du jeu, ça avance. Finalement, c'est un jeu sur. Et le jeu se termine par la mort du maître. Alors, la mort du maître peut se faire de plein de manières. Un peu, non termine toujours par la mort du maître. Okay. Alors, c'est souvent sur plusieurs, là, je sais pas si on a un one shot, on arrivera à le faire, mais c'est souvent sur plusieurs parties quand même. Hein. D'accord. C'est pas immédiat, la mort du maître. Et donc une fois que le maître est mort, ben il peut arriver plein de choses aux serviteurs. Ils peuvent vivre intégrés parmi les villageois, devenir les maîtres, s'enfuir. Enfin bon, ouais, ils se libèrent en fait. Ils se libèrent, mais ça peut être de bonne ou de moins bonne manière. Finalement, c'est un jeu qui parle de la comment dire de la soumission par amour qui te pousse à torturer ceux que tu aimes vraiment. Exactement. Au profit de celui que tu crois aimer. Mais... C'est un jeu de rôle où on ne joue que des relations abusives. Dysfonctionnel. J'ai une rumeur, je sais pas si c'est vrai quoi. Comme toutes les rumeurs. J'aime pas trop dire ça. T'as envie de colporter de la. Allez, vas-y, fais le voici gala de la Forge. Je t'en prie. De The Forge, mais il semble que Paul Chéguet s'était inspiré de trucs très personnels qu'il avait connus sur. Je veux te dire, à partir du moment où t'as passé la trentaine. On a tous connu au moins une fois dans notre vie ce genre de relation un peu bizarre avec une copine. Ça vous est arrivé, vous ? Moi, ça m'est arrivé. Hein. D'accord. Moi, avec j'ai mon 20 ex. Ans. avec mon ex, il y avait ce genre de truc. C'est-à-dire que voilà, tu faisais des choses de façon un peu forcée. Sans se matcher. Disons plutôt que la passion amoureuse te fait faire des choses de manière aveugle, même envers les gens que tu aimes, quoi. Tu vois. J'aurais pas l'impression que ça m'est arrivé. Alors peut-être que c'était moi l'abuseur plutôt que l'abusé. Attendez. Le but n'est pas de faire un balai masque, hein, c'est le podcast de la cellule. Hein. Mais en tout cas. C'est bien, tu vas attirer un sacré public. Peut-être pas celui que tu voulais. Ça en mots-clés, en tag, balai masque. Alors là, avec jeu de rôle, c'est sûr, on fait un carton. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu quand même du système de jeu? Alors, je voulais juste terminer sur un truc. D'accord. C'est qu'il y a donc ce jeu est pas tout à fait récent. Il date de 2003, donc vraiment les débuts de la Forge. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a une deuxième lecture ou un second sens du jeu, puisque le maître, c'est le maître de jeu, les joueurs, c'est les serviteurs, et parce qu'ils sont sous la coupe d'un maître de jeu, ils doivent accomplir des actes qui leur sont complètement contraires. Alors effectivement, t'avais raison de faire la comparaison à Sens tout à l'heure. Donc, c'est toi Adrien qui disait que le maître c'était Romaric Briand. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça en fait. Ok, d'accord. Et donc c'est un jeu qui vous apprend à vous débarrasser du maître de jeu. Du maître de jeu. J'ai envie de dire ni dieu ni maître de jeu. Plutôt du maître de jeu abusif qui se sert de vous, exactement, pauvres joueurs, comme des esclaves. Comme des pions pour son histoire. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez libérer. C'est triste. Alors ça veut dire que... Attends. Si l'histoire se finit par la mort du maître, ça veut dire qu'on va te tuer à la fin, Fabien, vraiment? Non. Tu vois, Mireille Dumas revient. Sauvez-nous. Non, on tue le personnage. Donc d'accord, ok. Donc ça c'est intéressant aussi, ce petit parallèle. Comme deuxième lecture, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc il y a un vrai propos aussi pour le jeu de rôle classique malgré tout. Je trouve ça vachement... Quelle intelligence, monsieur Chéguet, quelle intelligence. Oui. D'accord, et au niveau du système, il y a des dés, il y a pas de dés. Oui, alors il y a des dés, c'est des D4. Ouais. Et il y a aussi... Principalement, c'est des D4. Il y a des caractéristiques des personnages. Chaque sbire, en fait, a deux caractéristiques. Merci, oh, c'est beau ça. qui sont dégoût de soi et lassitude. D'accord. Donc dégoût de soi, c'est la perception que le sbire a d'être lui-même un monstre, puisque c'est toujours des personnages qui sont plus ou moins inhumains. Et lassitude, c'est le fait qu'il a plus vraiment envie de vivre, qu'il a du mal à continuer d'exister. Je sais plus exactement. Il va falloir que je relise exactement à quoi ça correspond en termes de jeu. Mais on va te laisser le temps. Ouais, on va te laisser un petit peu de temps pour repotasser tout ça. Bon, et ben on en parlera après. Nous, on se dirige gentiment vers une partie. Tu relis ça et puis tu nous fais la partie tout de suite après. Bien peinard. C'est sérieux, on joue après. Absolument. Allez, à tout de suite. Bon, faut croire que Romaric a été appelé par Sens pour un grand projet. Donc on va devoir continuer le podcast sans lui. On l'a enfermé dans son bureau pour qu'il finisse sans se néant une bonne fois pour toutes. Oui, maître. On le retient en otage. Donc maintenant, vous êtes au courant. Si vous voulez retrouver Romaric, il faut l'encourager à finir sans se néant. Envoyez-lui des mails, tout ce que vous pouvez. Cela dit, on n'a pas perdu au change. Donc, puisque on va continuer sur My Life with Master, mais en attendant, on est arrivé Thomas. Enfin, Thomas. Bonjour. Est arrivé plutôt. Thomas. Donc j'espère que je vais réussir à dire quelque chose, parce que moi le jeu là, j'ai pas vu la partie et j'ai lu la base parce que j'ai effectivement aussi acheté, mais je n'ai pas encore pu le tester. Donc je vais être analyste extérieur, hein, voir si vous bossez bien, poser quelques questions. Vous allez peut-être nous remplacer un jour ou l'autre. Hein. Thomas il va nous faire la vision extérieure, comme ça c'est encore mieux, parce que comme nos auditeurs n'ont pas vu la partie. N'ai pas vu la partie. Donc je verrai si vous êtes clair. Il pourra poser les bonnes questions. Donc je pense qu'on va commencer par la description de nos personnages. C'est Fabien qui a le maître. Je pense que ce serait bien. C'était bon moi qui étais le maître. Donc, alors le maître est créé en commun. C'est-à-dire que tout le monde discute ensemble de ce qu'ils vont faire. Au tout début de la partie, avant les personnages. Voilà. Et donc nous, on est arrivé sur un maître qui s'appelait Tomek Thomasson, un gamin de 10 ans, blondinet malingre. C'est ça, c'est ça. Geoffrey dans Game of Thrones, plus ou moins, en plus sadique. Ouais. Et qui collectionnait, qui était un collectionneur d'êtres difformes. Donc on avait, je sais plus, il avait des fœtus momifiés. Il avait, je sais plus ce que c'était. À un moment, il avait un projet d'avoir un chien à trois pattes. Un bon collectionneur. Un bon collectionneur, voilà. Et son désir dans la vie, c'était d'intégrer les MST, monteurs de spectacles transylvaniens. Qui étaient des monteurs de cirque façon Barnum ou Freaks. De qui venait l'idée des MST? Alors, ça a commencé par... Ouais. C'était MCT à la base, voilà. Monteur de cirque... Transylvanien aussi. Transylvanien. Et je me suis dit, ça pourrait être drôle de faire un truc par rapport au MST, on a changé cirque en spectacle. Mais ça a eu très peu d'impact dans le jeu. C'est juste un peu un guide pour les objectifs du maître, après tout. C'est pas du décisif, c'est juste pour donner un peu de couleur. Donc ça, c'était le maître. Voilà. Et à partir de ça, on a créé les... Sbires. Les sbires, les servants, les sous-merdes, qui se définissent par rapport au maître. C'est pour ça qu'elles sont créées après. Je pense pas qu'il y ait moyen de le faire dans l'autre sens. Effectivement. D'accord, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez d'abord créé le maître, en fonction des inspirations que vous avez eues pour le maître, vous êtes inspiré pour faire vos sbires. Exactement. Le maître s'est fait à plusieurs, les sbires se font toujours à plusieurs ou en individuel? Alors, on peut s'entraider évidemment. Le sbire se fait individuellement, mais comme dans tout jeu, c'est agréable d'en discuter pour avoir les avis des autres et faire des petits trucs en commun. Pour éviter les répétitions surtout. Ouais, d'accord. Aussi. Alors, vous avez écrit quoi comme sbire? Alors, de mon côté, moi j'avais le grand frère de Tomek, qui s'appelait Victor. Et il avait aussi petit Igor, qui était donc une sorte de fœtus accroché derrière sa tête. Donc il avait deux petits bras et une petite bouche, il pouvait parler. Et donc c'était une créature complètement dégoûtante, mais très fière quelque part de travailler pour le maître. Et donc du coup, le personnage se définit par quelques valeurs chiffrées, et notamment une caractéristique surhumaine, donc qui pour celui-ci c'était qu'il ne peut jamais être surpris, parce qu'il a toujours des yeux derrière la tête. Et en caractéristique sous-humaine, c'est que vu qu'il est un peu bête et qu'il a deux cerveaux différents, il faut tout lui répéter deux fois pour qu'il comprenne. Faut pas oublier que la forme de ces caractéristiques répond à une exigence qui est je suis ou je peux telle chose sauf si ta ta ta. Donc toi c'était formulé comment déjà? Ouais, alors moi la première par exemple était écrite hein, on ne peut jamais me surprendre sauf si je suis en présence d'objets pour enfants. Parce que ça va occuper le petit Igor accroché derrière ma tête. Et dans le cas caractéristique sous-humaine, c'est je ne comprends rien à ce que l'on me dit, sauf si on me le répète deux fois. Ok, d'accord. Sbire suivant. Alors, moi, j'avais un personnage qui était le compagnon de jeu, en fait, du maître. C'est pour ça aussi que, du coup, c'est effectivement important d'avoir le maître d'abord. Donc, c'était un enfant du même âge, avec pour caractéristique d'être absolument adorable et donc de faire fondre votre cœur sans aucun problème quand il était tout seul ou en présence d'adultes. Par contre, en présence d'autres enfants, il perdait cette capacité-là. Et d'autre part, il avait quelques petits problèmes physiques puisqu'il ne contrôlait pas du tout ses mains, sauf quand il tenait un de ses jouets, en fait. Ce qui peut donner des scènes assez marrantes, comme on l'a dit tout à l'heure, où il se balade dans la rue, ses mains sont baladeuses, mais comme il n'y a pas d'enfant, on ne peut pas lui en vouloir. Je précise que ça vient pas de moi, en fait. Oui, mais... Ça vient pas de moi non plus. Créé. C'était moi, je le concède. Mais ça vous a quand même bien fait rire. N'est-ce pas, Adrien? Oui, maître. Et moi, quant à moi, je jouais Sébastien, donc, qui est un peu inspiré d'un personnage de manga. J'avais pas trop d'idées de nom. Donc c'était le majordome de la maison. C'est probablement le plus humain des trois sbires qu'on ait fait. Il était là avant même la naissance de Tomek, puisqu'il servait les parents initialement. Parents qui sont décédés, on va éviter les détails. Alors, ma caractéristique surhumaine, c'est que j'étais toujours où on m'attendait, sauf si la femme que j'aime était, enfin, celle que j'aime n'était pas loin. Donc, on reviendra plus tard sur les relations. Et la caractéristique sous-humaine, c'est que je suis muet, sauf si j'ai bu du thé. C'est un peu absurde au final, mais ça, on y reviendra aussi. Je pense qu'on va dire quand même les personnages qu'on a créés. Les PNJ. Alors, avec les relations. Je pense qu'il est intéressant de parler d'abord de la feuille de personnage, de ce qu'on y trouve. Ils sont dessus, justement. Ouais, mais alors ça, c'est un des derniers éléments qui intervient. En gros, le personnage est défini par quatre valeurs chiffrées. Il y en a deux qui définissent le personnage et deux qui définissent en fait le maître. Le maître et la région, le village, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que, oui, on l'a précisé ça en introduction. Ouais. Et donc, le personnage va avoir un dégoût de soi qui représente à quel point il se déteste. Pour le mal qu'il a pu faire ou le mal qu'il a pu subir. Ou son être lui-même. En gros, une brute aura beaucoup de dégoût de soi en général. Et à l'inverse, la lassitude, c'est un trait plus humain parce qu'on va se lasser de servir ce maître ignoble. Et donc voilà, ces deux caractéristiques rentrent un peu en compétition sur certaines choses. Et à côté de ça, il y a la peur et la raison. Qui définissent l'environnement, celle-là. Ouais, c'est ça, l'environnement. Oui, c'est ça. La peur du maître et la raison, c'est quelque part la résidence du village. C'est le village. Ouais, c'est symboliquement, c'est les lumières qui entrent dans le village, qui permettent de repousser les forces irrationnelles et obscures du maître. Et puis, en autre caractéristique chiffrée, on a donc l'amour, qui est en lien avec les PNJ qu'on a créés au début de la partie. Ouais, chaque relation a une valeur d'amour. Donc, Adrien, vas-y, on va continuer dans l'ordre de tout à l'heure. Bon, c'est pas important de préciser tous les personnages. Il y a, en gros, chacun d'entre nous est relié à un ou deux PNJ. Et ça va permettre au maître d'avoir des prises sur nous et de nous mettre face à des situations en contradiction avec nos désirs. Par exemple, le maître va nous demander d'aller enlever le chien qui est un ami d'un des personnages. Et du coup, on va se retrouver. Ouais, voilà, c'est-à-dire que le maître a demandé au personnage, si je me souviens bien, de ramener le chien pour le torturer. Voilà, de ton personnage, de ramener le chien qui était le chien que le personnage d'Emmanuel aimait. Ça. Voilà. Donc pour créer des situations de dilemme dans lesquelles les sbires veulent faire. Enfin, le maître ordonne aux sbires de faire des trucs horribles. Alors, là où l'amour est Alors moi j'ai une question, donc là si j'ai bien compris, on rajoute sur la fiche donc de sbire des personnages que le maître va pouvoir utiliser pour mettre donc du conflit. C'est ça. D'accord. D'un point de vue du jeu au niveau de l'impact, ça vous permet en fait de créer des scènes ou c'est alors l'objectif du jeu de jouer là-dessus de façon à pouvoir créer des problématiques. Est-ce qu'il y a que ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que les relations vont effectivement être au cœur du jeu dans la mesure où le personnage, a priori, on va être obligé de se justifier tout le temps auprès du maître. Mais c'est la progression des différentes valeurs chiffrées des personnages, donc dégoût de soi, lassitude, amour, peur, raison, qui va faire advenir certains événements, et notamment l'événement final qui est l'affrontement contre le maître pour le détruire. Parce que là, en fin de compte, si j'ai bien compris, quand tu as demandé à Loïs d'aller tuer le chien... D'aller le chercher. Quelle est la problématique en fait du sbire? Parce que pour moi, le sbire, il fait ce que fait son maître, et puis c'est tout. Il n'en a pas forcément envie parce qu'il sait que c'est l'ami d'un des autres sbires, d'une part. Il n'a pas envie de céder à ce maître, pas forcément envie de céder à ce maître, etc. C'est-à-dire que de base, dans le jeu, les sbires sont censés être soudés? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, les sbires sont monstrueux d'apparence, plus ou moins, mais surtout, ils sont humains derrière ça. Contrairement au maître qui, lui, est inhumain. Le maître demande des choses absurdes. Il va, selon son agenda à lui, parce qu'il veut faire sa petite collection de monstres. Mais nous, on a quand même la problématique humaine. On veut servir notre maître parce qu'on a peur de lui, mais on reste humain. Donc, c'est-à-dire que ce chien, l'enlever, ça va nous peser. On va le faire parce qu'il nous l'a demandé. Mais si un des autres sbires vient nous en empêcher en nous filant une petite claque au passage, comme ce qui s'est passé, on n'est pas déçu non plus au final. On est plutôt content. Mais faut pas oublier que dans My Life with Master, on peut pas s'en sortir tout seul au début. Ouais. Et justement, ces conflits vont permettre aux sbires de se renforcer petit à petit. Parce qu'en échouant un conflit physique, par exemple, j'ai gagné un point en lassitude. Bon, ce point en lassitude, il va potentiellement me déranger parce qu'il va m'empêcher d'accéder au dénouement, enfin d'enclencher moi la condition de dénouement, mais il me renforce sur d'autres plans. Parce que le jeu se termine à quel moment Alors, Vas-y, Fabien. Ouais, techniquement, c'est un peu aride, mais c'est quand la valeur d'amour est plus grande que peur plus lassitude. Donc, l'amour, c'est ce qui correspond au lien que vous avez avec les c'est PNJ. Ça. Voilà, la somme et la lassitude, c'est l'impact qu'a le maître sur votre sbire. Disons que ça. La lassitude, c'est à quel point le sbire en a marre du maître. Ouais, finalement. Voilà. Et marre de sa propre vie. De sa condition. C'est marre de sa propre condition, pas de sa vie. Le marre de sa vie, c'est le dégoût de soi. Exact, ouais. D'accord. Et donc en gros, il y a une condition supplémentaire, pardon, qui est importante, qui est que le personnage va à un moment désobéir au maître. C'est-à-dire que le maître peut donner des ordres, les personnages peuvent résister pour donner pour par rapport à ces ordres. Et à un moment, la condition pour enclencher la scène finale, c'est un des personnages désobéit au maître. Donc ça débouche sur une confrontation physique où a priori le sbire va essayer de tuer le maître. Ça, la fin du jeu, c'est soit le sbire s'en va avec le personnage. Donc son personnage à qui il a une amour donc très haut, soit en détruisant le maître. Il détruit le maître, je crois de. Ça dépend des contrats. Ouais. Enfin, pour vous, ça se finit comment? Normalement, il se finit. Alors. On n'a pas été jusqu'au bout de la partie ouais. Parce que Fabien était un peu en aride. Je pense que là, on va commencer à pouvoir parler de nos retours sur le jeu. Oui. Emmanuel, on t'a pas. Est-ce que tu vas aussi Est-ce que tu es toujours vivante, Emmanuel? Oui, je suis toujours là. Non, rien de plus à rajouter, je pense, sur la fiche de personnage. Okay, peut-être parler du. Je sais plus si on a expliqué comment on lançait les dés. Oui, bon. Les 3 dés supplémentaires peuvent avoir leur intérêt. Ah, exact. On y reviendra en cours de. Alors, moi, j'aimerais commencer par dire. Enfin, j'ai pas mal de critiques à formuler sur le jeu, mais je voudrais formuler en rappelant dans quel contexte le jeu a été écrit. Il a été écrit en 2003, c'était les débuts de la Forge. C'était les débuts du moment où on s'est dit, où les penseurs du jeu de rôle anglophone se sont dit, tiens, ce serait bien si on pouvait se débarrasser du scénario et ce serait bien si on pouvait se débarrasser d'un meneur de jeu tout puissant. Donc, le jeu a des choses qui sont très intéressantes dedans. Par exemple, ça a été, je crois, un des premiers jeux dans lesquels on explicitait la notion de scène. On disait, il y a une personne qui doit mettre en place des scènes, donc des situations, des lieux, c'est le meneur de jeu, et on lui donne tous les outils pour y arriver. À côté de ça, c'est un jeu qui est encore, je trouve, assez imprégné du jeu de rôle traditionnel, dans la mesure où on n'explicite pas tout les actions des personnages, les actions des participants, donc joueurs et meneurs de jeu. Il y a des choses qui sont un peu laissées à la devinette, où on se dit, ça doit fonctionner comme dans le jeu de rôle traditionnel, a priori. Et il y a aussi des moments où, si on respecte à 100% les règles, ça patine un petit peu. Enfin, je sais pas. D'accord, dire qu'on a mis des nouvelles pièces dans une voiture, mais en fin de compte, ça a l'air de fonctionner, mais des fois, ça grippe, quoi. Ouais, alors, je vais commencer. C'est une critique assez négative au final. Mais je pense pas que ce soit la seule critique de. Ouais, c'est pas la seule critique, hein. Mais c'était pour mettre donner un peu une idée de comment il a été écrit le jeu, pour atténuer un peu ce que, en tout cas, moi, je vais dire après. Quoi. Voilà, Et je pense que je vais en dire un petit peu là aussi. C'est qu'en gros, une des règles permet de s'opposer au maître, et donc très tôt, on peut dire non à ce que va proposer le maître quand il donne des ordres. Et du coup, ça fait des scènes qui, au final, s'arrêtent et sont mortenées. Ça, c'est un premier problème. Au début, théoriquement, on ne va pas réussir à résister. Sauf que donc, c'est les dés dont on commençait à parler tout à l'heure interviennent. Donc il y a 3 dés qui sont les dés spéciaux, donc, qui correspondent à un roleplay que l'on va faire, qui va nous permettre d'avoir un bonus. Donc ces bonus, ça va être proche et c'est un peu attentif à la personne quand on lui parle, faire preuve de détresse et être larmoyant, etc. pour un bonus un peu supérieur. Et enfin, s'ouvrir son cœur pour donner des raisons sentimentales profondes et hors de la raison afin de justifier nos arguments. Et d'inquiétude, c'est la sincérité, donc le dernier, c'est aussi l'inquiétude qu'on peut éprouver pour l'autre, c'est-à-dire exprimer quelque chose de sincère dans la relation entre les deux personnages. Et donc au final, ces dés, on peut les utiliser pour avoir des bonus. Et donc ça va faire que très rapidement, grâce à ces gros dés, donc c'est-à-dire qu'on joue avec des D4, et là ça monte jusqu'au dés 8. Il y a un 6, un 4, on peut avoir 6, un gros bonus qui va faire que on peut dire non au maître, et ça nous est arrivé 3-4 fois d'affilée. Et donc à ce moment-là, le maître se retrouve un peu comme un grand guignol, où il agite les bras, il essaye de nous donner des ordres, et rien se passe. Et du coup, ça manque complètement de cohérence, parce que c'est un maître qui est censé être méchant, être dominant et diriger d'une main de fer ses sbires. Faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de résister non plus. Ouais, bien sûr, mais le fait de pouvoir et d'y arriver aussi facilement, c'est gênant. Alors, il y a quand même une nuance à apporter à ça, c'est que vous y êtes arrivé parce que vous êtes vraiment coordonnés, que vous êtes aidés les uns les autres et que tant que vous avez pu, vous avez fait appel à la sincérité. Oh maître, non, pas ça. Donc, c'est peut-être pour ça que ça peut être bien d'avoir de faire des actions qui sont pas en rapport avec les PNJ. Les PNJ créés par les personnages, j'entends. D'accord. Ouais, ok. Pour leur couper une partie de la sincérité possible. C'est vrai. Alors, effectivement, enfin, peut-être que c'est moi qui ai mal cadré les scènes dans lesquelles mon maître vous donnait des ordres. Parce que j'aurais pu cadrer des scènes où vous étiez tout seul, donc vous ne pouviez pas vous aider. Et puis ensuite, des scènes dans lesquelles vous ne. Oui, effectivement, que les ordres. Vous n'avez pas forcément envie de résister aux ordres, mais à ce moment-là, j'ai l'impression que les situations ne deviennent pas aussi intéressantes que ce qui est proposé. Oui, Thomas. Alors, j'ai une question. J'entends Fabien parler. Le maître, c'est lui qui cadre toutes les scènes? À peu près. Il peut laisser un peu le joueur libre, mais ça, c'est parce qu'on l'a fait, mais ce n'est pas précis spécialement dans les règles. Alors, si. Si, c'est précisé dans les règles que c'est le maître qui cadre, enfin le meneur de jeu, pardon, pas le maître, hein, qui cadre les scènes. Je vais te retrouver ça. Hop. Il doit cadrer les scènes de façon agressive, mais il peut laisser la possibilité au joueur de créer la sienne. En tant que MJ, vous devriez cadrer agressivement, comme si les événements du jeu étaient un film. Mettez les joueurs directement au milieu des conflits pertinents pour le personnage. Tirez l'avantage, l'absence de traits individuels. Blablabla. Donc vous avez fait en fait une succession de scènes avec des problématiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Fabien, toi tu te retrouvais, tu posais une problématique et tu regardais les sbires se dépatouiller. Alors, on l'a peut-être pas fait aussi de manière aussi rigoureuse, mais à chaque fois j'essayais que mon maître donne des ordres qui posaient des problèmes aux sbires, et j'essayais autant que possible de mettre les sbires un peu dans la mouise, mais de manière intéressante. Tout en diversifiant ces problèmes. C'est ce qui t'a gêné au bout d'un moment, c'est que t'avais fait plein de problèmes différents. Voilà, enfin, ce qui a fait qu'on a arrêté finalement le jeu parce qu'on a buté, c'est que j'avais une super première idée qui était que le maître allait ordonner à son meilleur ami, je crois, de verser du mutagène dans la fontaine du village pour que tous les villageois deviennent sa collection ambulante et vivante de difformité. Mais il a réussi à résister. Le maître a fait « Ah bon, d'accord. » Alors il fait « oui, son argument c'était, je crois, ils vont s'enfuir. » C'est ça, c'est que si tout le monde est pas content, il n'y aura plus de villageois avec lesquels jouer. Donc, Alors, ensuite le maître s'est tourné vers son frère. Ouais, et il m'a demandé « t'as qu'à aller mettre des explosifs pour boucher toutes les routes, et puis comme ça ils ne pourront pas s'enfuir. » Puis à nouveau, j'ai pu me justifier, trouver une raison, faire appel à ses sentiments et surtout à son estomac, parce que sinon, voilà. Et du coup, j'ai résisté et on n'a pas coupé les routes. Et du coup, de fil en aiguille, tu t'es retrouvé sans aucune nouvelle idée. Voilà, je crois que j'ai encore une autre, j'ai une troisième idée qui était de dire à son majordome, on va faire une grande fête au château, on va garder tous les enfants, comme ça on gardera les gamins en otage et les villageois pourront pas se barrer. Et le majordome après a à nouveau résisté. Et là, je fais, je commence à être un peu à sec d'idées. Alors là, je pense que justement, il y a un problème parce que au final, donc, t'as essayé de diversifier et c'est vrai qu'à chaque refus, finalement, t'as essayé de trouver une autre façon d'arriver à tes fins. Et en fait, moi, ce un peu à quoi je m'attendais, ne connaissant pas du tout le jeu et n'en ayant pas entendu parler avant, c'était que tu enchérisses comme ça à chaque refus, mais qu'on se retrouve, nous, de plus en plus menacés et qu'il y ait une espèce de gradation de la peur, en fait. Et en fait, j'ai pas l'impression que le système permette ça. Que le système l'encourage, ouais. Bon. Alors, j'ai une question, c'est le fait justement qu'il y ait ce refus. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la fiche de personnage qui mènerait vers la fin de la partie? Alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, la progression vers la fin de la partie se fait par notamment le gain de points d'amour. Et donc, il faut que les joueurs, les personnages, puissent jouer ces scènes où ils se rapprochent de leurs êtres aimés et qu'ils gagnent donc ce point d'amour. Donc, le fait qu'il y ait ce refus, en fin de compte, n'a pas tendu vers la fin du jeu. Non, pas du tout. En fait, ce qui manquerait, ce serait que la réussite de l'opposition du sbire diminue la peur, qui pourrait être un chemin, justement, vers le dénouement. Qu'en tout cas, il y a un prix à refuser les ordres du maître. Ou ça, oui. Et donc, donc effectivement, la progression vers la fin se fait au prix de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut de l'amour. La peur étant généralement fixe. Et donc le dénouement dépend surtout donc de l'amour et de la lassitude, sachant que la lassitude, on en gagne au cours de la partie. Et là, ce qui s'avérait, c'est que à part moi qui ai gagné 2 points d'amour, j'ai aussi gagné 1 point de lassitude. Du coup, c'était difficile. Il nous aurait fallu, je pense, 1 heure, 2 heures de plus, pour atteindre la fin. Voilà. Non, mais en fait, j'essaie toujours de revenir sur ce problème où effectivement, vous avez eu beaucoup d'opposition à suivre, ce qui a un peu bloqué le jeu. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez arrêté. C'est-à-dire, à aucun moment, le système ne prend ça en compte pour terminer la partie naturellement. Alors, c'est vrai que il y a pas de prix à refuser. Tu peux refuser. Il y a même pas de prix, comment dire, fictionnel. Oui, il y a pas d'impact, quoi. Voilà. Il y a pas d'impact. Tu refuses. Bon, ben, tu refuses. Le maître, en plus, est dépendant de ses sbires, parce qu'il est lui-même un peu, pas très bon. Ouais, hein, il est. Et donc, ça a pas, refuser, ça a pas d'impact, alors. Voilà. Donc, quand dans le cadre où il a refusé, vous avez arrêté la scène, et vous êtes passé à une suivante. Non, en fait, on avait déjà bien joué avant, hein. Donc, d'accord. C'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. Simplement, il y a un moment où j'ai dit, en fait, j'ai plus d'idées, Il a passé plusieurs minutes à réfléchir. Voilà. Pour essayer c'est pas ça. Ma question, c'est, voilà. Au moment où t'as eu ton premier refus, d'un point de vue du jeu, c'est, est-ce que vous êtes passé à une scène suivante, ou non, c'était 3 refus dans la même scène? Non, c'était 3 refus dans la même scène. Dans la même scène, c'est-à-dire que, en cas de refus, le jeu ne dit pas, on arrête la scène, on en passe à une autre. Peut-être, mais... Ça dit rien. Parce que j'essaye de voir, là, en fait, effectivement, c'est qu'il y a un gros problème, c'est effectivement, s'il y a un refus, qu'il n'y a pas d'impact dans le jeu, il y a un souci. Et l'autre question, c'était au niveau, des personnages où, pour faire augmenter l'amour, donc les, ce qu'ils appellent les relations, c'est ça? Voilà, les relations. C'est à quel moment qu'elles interviennent? Parce que, après tout, il n'y a pas de raison que le maître mette en place ses relations, parce que lui, c'est pas son jeu. Ouais. De le faire, donc alors, c'est les joueurs. Hein. La première fois où ça m'est arrivé, c'est le maître du jeu qui a cadré une scène, en me disant, voilà, je te laisse jouer une scène de relation, une scène d'amour. Du coup, j'ai fait jouer ma première scène, où je suis allé voir ma nourrice. Et dans la deuxième fois où ça m'est arrivé, il m'a laissé une scène libre, enfin, il m'a pas donné de contraintes. Donc, du coup, c'est moi qui ai cadré pour aller voir ma deuxième relation amoureuse. Et du coup, j'ai pu gagner ces points comme ça. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, si le MJ ne nous donne pas ces opportunités-là, ces points ne vont pas augmenter naturellement dans le scénario. Alors, est-ce qu'on peut pas, pendant la scène, proposer, donc je prends l'exemple toujours du vous devez aller kidnapper votre chien. T'essayes de dire non, je veux pas, c'est trop méchant, tu n'y arrives pas. Donc tu pars la scène, tu décris la scène où tu vas chercher le chien. Est-ce que tu peux pas faire jouer ces relations à ce moment-là? Parce qu'en fait, au niveau du système, c'est ça. Qui a la priorité sur la relation? Est-ce que c'est toujours le maître de jeu, le meneur, ou est-ce que c'est les joueurs qui interprètent les sbires? Alors ça, justement, ça fait partie des choses qui sont pas tout à fait explicitées, me semble-t-il, dans le texte du jeu. Hein, mais maintenant, je peux me tromper, et qui font que c'est un peu laissé. Voilà, c'est quand je parlais tout à l'heure de choses qui sont pas forcément explicitées, c'est ce genre de choses. Donc là. Alors, il y aura 2 manières de le faire. Soit on le fait un peu comme on l'a fait, c'est-à-dire au joueur, bah vas-y, cadre ta scène et puis raconte-nous ta relation. De toute manière, le point d'amour est gagné toujours dans une scène de rapprochement. Et par ailleurs, on peut le jouer en ayant le maître de jeu qui cadre les scènes et qui les cadre de manière très très agressive. Je sais pas, ta relation est en danger, et puis il faut la sauver. D'accord. Alors maintenant, j'ai une autre question. Moi, quelqu'un veut encore intervenir sur ce point-là? Alors, sur ce point-là, juste une petite possibilité, c'est que le personnage, quand il va remplir une mission du maître, il peut profiter de la scène, peut-être, je ne sais pas si c'est possible avec les règles, pour enchaîner sur aller voir sa relation. Tu peux aussi tomber par hasard sur ta relation pendant que tu fais ta mission. Oui, effectivement. Oui. Voilà. Alors, moi, donc, la question, Fabien, est-ce que tu t'es amusé en tant que maître de jeu? Parce que je serais à me demander qu'est-ce qui fait le maître de jeu à le meneur à part juste annoncer des scènes et regarder ce que font les sbires. Ça, je crois, enfin, paradoxalement ou pas, enfin bon, c'est assez marrant, mais je crois qu'il y a une difficulté sur la position du meneur de jeu dans ce jeu. Je répondrai à ta question. Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de tout le temps monopoliser le micro, mais. Là, c'est parce que toi, vu que c'est toi qui étais le meneur de jeu, c'est pour ça que je te pose la question. Et en plus, c'est moi qui ai présenté le jeu, donc bon, enfin bon. Bref, le plaisir, je crois, qu'il y a dans ce jeu, c'est à mettre de l'adversité, aux joueurs, c'est-à-dire créer des dilemmes, à créer des. Bon. La difficulté, c'est qu'on y arrive une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, on finit par manquer un peu d'énergie et puis de quoi rebondir, quoi. Donc on est un peu là. Alors qu'est-ce que je vais vous mettre dans la tronche maintenant? D'autant que c'est un jeu qui est sans préparation, hein, donc il y a pas de scénario, ce genre de choses. Il faut juste s'appuyer sur les. Enfin, on s'appuie pour créer des dilemmes sur les relations des personnages. Moi, j'ai juste une question sur savoir, c'est est-ce que tu as l'impression de plus jouer que les sbires ou l'inverse. Que la façon dont vous présentez le jeu, j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui jouent, c'est les sbires et que le meneur, après tout, ne fait que regarder. Moi, j'ai trouvé que c'était. Donc, je vais avoir aussi l'impression des joueurs sbires pour me dire ce que vous en avez pensé de ce côté-là. Okay. Je pense qu'au niveau temps de parole, c'était assez équilibré. Ah ouais ? Moi, j'ai eu l'impression de parler tout le temps. Oui, mais tu parles tout le temps, Fabien. Ouais, ouais. Non, on n'a pas. Je pense que sur cet équilibre-là, c'est pas ça le. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez aucun de vous n'a eu cette impression. Je dirais que la façon dont c'est décrit, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que ceux maîtres de jeu qui jouent. Enfin, ça me rappelle un peu les descriptions peut-être un peu filochées, enfin un peu étirées que ben d'un jeu de rôle classique où ouais, on demande aux joueurs de faire le scénario, d'expliquer les résolutions des dés. Et donc non, en fin de compte, là cette fois-ci, au lieu que ce soit le meneur qui fait toute la partie dans ce que nous on appelle le jeu de rôle classique, dans ce jeu-là, on a fait l'inverse. Non. En gros, te dire, nous on en a marre de ces jeux de rôle-là, on va interférer. Pas du tout. Il reste très proche de la structure des jeux de rôle classiques. En fait. Ouais. Oui, c'est vraiment le meneur qui donne l'impulsion, mais derrière, effectivement, ça s'équilibre. Après, c'est peut-être aussi aux joueurs de plus dynamiser, de plus créer d'interactions. Moi, j'ai eu. Enfin, ouais. C'est pas dit comme ça dans les règles. Donc, normalement, la dynamisme et les interactions, c'est quelque chose qui devrait être apporté par les règles, mais l'impression là, ça marche. Ça marche à moitié. Et moi, alors, ce qui explique peut-être que moi j'ai l'impression d'avoir parlé tout le temps, c'est aussi le fait que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour la partie. Oui, parce que c'est un personnage qui te plaisait pas trop. Alors. À jouer. Je crois qu'il y a. D'une part, il y a le fait qu'effectivement il fallait créer tout le temps des situations, et en plus. Je trouve que c'est difficile d'être méchant et de jouer. En plus, c'était un gamin colérique, donc c'était pas super ça t'allait bien, gratifiant. Merci. c'était un gamin colérique, donc c'était pas très agréable à. Je me rends compte que c'est très difficile de jouer des personnages inhumains, dans le sens où des personnages qui dégagent en permanence de l'énergie négative. Qui sont méchants pour être méchants. Voilà. Il faut avoir une bonne raison pour être méchant. Alors là, justement, est-ce que c'est pas là que ça devient important d'avoir un objectif comme nous on l'a donné, qui est d'intégrer les MST? Et finalement, est-ce que ce truc-là, il faudrait pas en faire quelque chose de plus intéressant, au sens où, quelque part, la façon dont la partie se déroule, c'est un peu comme si on lisait un recueil de nouvelles. C'est-à-dire, il y a plein de petits trucs qui font qu'à chaque fois, il faut apporter une nouveauté. Effectivement. Alors que si finalement, on crée... Alors, c'est la joueuse de jeux de rôle extrêmement classique qui parle, là, j'avoue. Mais si on crée une ligne de fond plus importante et qui permette en fait à la fois aux sbires et à la fois aux maîtres de jongler autour pour essayer d'arriver à ses fins, que ça crée de l'événement, que ça crée éventuellement une limite temporelle à dire dans 3 jours il y a une commission des MST qui débarque et il faut qu'on soit au point. Voilà, enfin. Ouais, effectivement. Alors, ça, c'est le deuxième point que je reproche au jeu. Donc, le MJ se retrouve à faire le guignol parce qu'on lui oppose des refus sans arrêt. Mais de notre côté, il y a un deuxième point de règle très important, c'est que quand il arrive à nous donner un ordre, on est obligé d'y obéir. Donc en soi c'est bien, jusqu'au prochain jet de dés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a une opposition, on a un objectif, on va essayer de le remplir. Et là, un des autres sbires va venir pour nous faire cette opposition qui va nous proposer la possibilité de ne pas respecter l'ordre. Et du coup, à nouveau, c'est un ordre que l'on ne fait pas et l'histoire n'avance pas. Attendez, je repasse à. Alors, c'est là que je crois que c'est important que ce soit le meneur de jeu qui soit le seul à pouvoir cadrer des scènes. Parce que tu dois pouvoir, en tant que meneur de jeu, forcer le joueur, et pour de bonnes raisons dans le jeu, puisqu'il s'agit de mettre en place une relation abusive, forcer le joueur à dire, là tu es au-dessus du lit de la personne dont tu dois couper la gorge, maintenant tu fais ton jet de dés, pour justement pas que le personnage puisse échapper. Ouais. Moi, je pense que je reviens sur toi tout de suite, Thomas. Je pense que ce qui t'a peut-être posé problème pour les ordres, en fait, c'est le fait de jouer un maître qui soit bestial. Je pense pour Fabien, je pense qu'un cérébral aurait peut-être mieux c'est collé. C'est possible. Parce que le bestial, il est toujours dans cet instinct, dans cette envie présente, et du coup, finalement, tu t'envoies toujours tes sbires faire la même chose, alors que le cérébral, il peut avoir des plans et il est même pas obligé de te dire ce qu'il veut faire. Ouais, mais alors c'est pas parce que t'es bestial que tu peux pas faire de plan. On est d'accord. Oui, bien sûr. Mais en gros, en fait, celui-là, sur un môme de 10 ans, il va pas passer son temps à réfléchir à faire je sais pas quoi. Bien sûr, mais c'est un petit peu quelque chose effectivement qui manque, c'est qu'il y a aucune action qui va durer longtemps dans ce jeu au final. Oui, c'est-à-dire que même une scène comme vient de le décrire Fabien, qui va être cadrée, t'as le couteau au-dessus de la personne que tu dois tuer, bah si je joue le jeu, bah je vais faire manger, je vais argumenter, j'ai exprimé le fait que je vais peut-être pas le faire, on va faire le jet, et puis soit je le tue, soit je le tue pas. Si je le tue pas, ben je rentre et le maître va me donner une nouvelle mission. Et si je réussis, ben je rentre et le maître du jeu va me donner une nouvelle mission. Au final, il n'y a pas d'enchaînement de direct en fait. Dans l'histoire, on repart toujours du chef, enfin du maître. On fait 200 mètres, on revient. On fait des petits rebonds. C'est un peu du ping-pong. On va laisser Thomas. Allez, Thomas. Pas du tout en rapport. Ce que je voulais dire en fait, c'est que. Bon, d'avis d'extérieur, le but du jeu, en fait, c'est vous faire réagir, vous, joueurs qui jouent des personnages humains, face à des actions donc, d'un meneur qui n'est pas humain, donc toujours sur des problématiques. Le but, c'est ça, c'est de créer des scènes et faire de la réflexion, vous, en tant que joueur, de réfléchir sur des sujets que t'as pas envie d'aborder. C'est vraiment l'idée justement du pourquoi on te met un moment au-dessus du lit avec le couteau, c'est que t'as pas le choix. Donc là, t'es la voix intérieure du sbire en train de dire, mais est-ce que je fais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et donc, c'est t'imposer ce genre de scène. De t'imposer un dilemme, ouais. Voilà, c'est le. Mais à côté, on est obligé, c'est des dilemmes moraux, très, très. Ah oui, complètement. Voilà, c'est ça qu'on est en train de rechercher dans ce jeu. Tout à fait. Et alors, par rapport à la cohérence qui était soulevée tout à l'heure par Emmanuel et aussi par Adrien, c'est vrai que le jeu, effectivement, pourrait gagner plus en cohérence si on choisit effectivement plutôt un maître cérébral, et aussi si effectivement on exploite plus. Il y a une règle quand on crée le maître, on crée ce qu'on appelle les autres. Donc les autres chez nous, c'était les monteurs de spectacles transylvaniens. et qu'ensuite le maître veut faire quelque chose, enfin veut obtenir quelque chose en fait, donc de l'admiration, de la reconnaissance, de l'intégration, tout ce que vous voulez, auprès de ces autres. Le problème, c'est que ça reste assez embryonnaire dans le jeu. C'est pas très développé comme machin. J'ai pas suivi là. Pardon. Pour la fin du jeu. Qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu en plus de la mort du maître? Alors, quand est-ce que le jeu se finit? Donc une fois que le maître est tué, alors pendant sur la fin du jeu que nous donc on n'a pas joué, donc je suis que théorique. Le maître donc se bat contre un sbire. Le sbire essaie de le tuer et les autres sbires en général essayent de. C'est des moments a priori qui sont vraiment à la fin où ils ont beaucoup la pression. Et selon les caractéristiques des personnages à la fin, ils ont ce qu'on appelle les contraintes d'épilogue. C'est-à-dire que ils peuvent soit s'enfuir du village, être intégrés au village, devenir un maître, se chercher un nouveau maître. Enfin bon, il peut leur arriver plein de choses en fonction de leurs caractéristiques une fois que le maître est mort, et on raconte ça et on termine le jeu. D'accord, mais vous malheureusement vous n'avez pas pu voir cette fin là. On n'est pas allé jusque là. Pour vous déjà, vous avez fait une partie, vous avez la partie durée combien de temps? 2 heures à peu près. Ouais, deux heures. Et vous pensez qu'il vous fallait au moins une heure de plus? Un truc que je voulais préciser aussi, c'est que c'est un jeu qui a priori est fait pour jouer en plusieurs parties. C'est-à-dire que j'ai forcé les caractéristiques puisque vous avez commencé directement avec des scènes d'amour. J'ai forcé sur plein d'éléments pour que ça se passe relativement vite. Même sans ça, bon, c'est pas étonnant qu'on l'ait pas fini. Je veux dire, c'est pas. Voilà, une... c'est ça. C'est un jeu qui est quand même fait pour la durée. Voilà. L'autre truc que je voulais dire, qui est à mon avis un peu un résumé de tout ce qu'on a pu dire jusque là, c'est que on a les règles du jeu qui à mon avis sont bien, mais le jeu nous explique pas suffisamment ou pas assez comment utiliser ces règles. Alors, je pense que quand le jeu est sorti, le problème s'est résolu dans le sens où... Il y avait la communauté forgienne qui était toujours derrière. Mais, cela dit, on peut toujours trouver des rapports de parties, mais quand quelqu'un disait « j'ai eu cette partie ». Par exemple, là, on aurait pu faire un rapport à Paul Cheguet et lui dire « on n'a pas trop trouvé ce qu'on aimait dans le jeu, est-ce que tu peux nous expliquer ?» Et puis il aurait écrit « tu vois ». Donc, ça, c'est un truc qu'on n'a pas, mais c'est à mon avis particulier à ce jeu. Hein. Beaucoup de jeux de The Forge que je connais sont des jeux qui expliquent comment on doit utiliser le jeu. Là, c'est pas pas oui, trop trop que souvent les jeux issus là-bas, ils te demandent bien les mécanismes, parce que quand ils t'expliquent on va dire juste les règles, au bout d'un moment ils t'expliquent bien bon bah pour pouvoir bien interpréter telle scène, voilà. Faites ci, faites ça, jouez là-dessus. Zombie cinéma, c'est un peu la même chose par exemple. C'est aussi un jeu. Alors même zombie cinéma, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que il y a que les règles. Que les règles. Et enfin c'est une manière de faire quoi. Oui, voilà, c'est pas dérangeant. C'est un exercice en soi, de style, que c'est, voilà. C'est vrai quelque part pour zombie cinéma, si t'as juste les règles, tu peux jouer. Ouais. Mais en fin de compte, si tu vas chercher plus d'informations derrière, là tu découvres l'ampleur du jeu. Ouais, ou alors il faut jouer au moins une fois pour découvrir comment fonctionnent les mécaniques. Là, c'est peut-être la même chose. Peut-être que si on y jouait maintenant, ça tournerait plus facilement. Il y aurait des choses qu'on aurait déjà compris. Bah, déjà, vous réfléchirez peut-être un petit peu plus sur le meneur pour bien dire, bon, faut pas que ce soit un meneur qui me rebute de trop. Ouais. Dire faut pas que le maître soit passer le rôle à quelqu'un d'autre. Ensuite, peut-être que vous, en tant que personnage, vous aurez fait des personnages différents, dire beaucoup plus orientés de façon à ce que le meneur, quand il va voir votre personnage, il va avoir directement des scènes en tête. Possible. C'est peut-être très possiblement un jeu avec une forte courbe d'apprentissage en fait. Là-dessus, je note quand même que la fiche de perso elle est relativement succincte. Est-ce que justement pour donner du jeu au meneur, il faudrait pas rajouter, alors même si ça va peut-être un peu à l'encontre de l'image qu'on se fait du sbire, mais des choses qu'il aime, des aspirations pour ses sbires, qui permettraient aussi, alors peut-être plus justement avec un maître cérébral, mais de manipuler un petit peu. Je suis pas sûr. Alors si on ferait une fiche de personnage plus grande pour le sbire, je suis pas sûr que ça rentre dans la couleur du jeu, puisque la façon dont est fait le jeu, en tout cas c'est la façon dont moi je l'ai comprise, c'est le jeu, c'est le maître, le sbire, après tout, justement, il essaye d'avoir, au départ c'était rien du tout, c'est qu'un sbire, il essaye d'avoir une reconnaissance. Donc il faudrait effectivement, je pense, qu'un sbire qui se réveille, donc il devient beaucoup plus fort, effectivement, il aurait des choses en plus à rajouter sur sa fiche. Mais au départ, ouais, faut qu'il soit le plus neutre possible. Tout à fait. Fabien, d'autres critiques ? Ouais, ben je crois que j'ai dit ouais, ce que je voulais dire par rapport à. Voilà. Donc on va juste faire un tour de table rapide. Donc en fin de compte, vos avis sur le jeu. Vous avez fait votre partie, est-ce que vous avez passé un beau moment ? Oui, non. Est-ce que vous le conseillez ? Oui, non. Fabien. Allez, c'est moi qui commence. T'es parti. Mets les mains dans le cambouis. Moi, j'y rejouerai. J'y rejouerai avec plaisir. Alors, c'était la première partie que j'ai jouée en tant que maître. J'avais déjà joué, mais en tant que sbire. Et ça s'était mieux passé ou pas ? Oui, c'était aussi parce que la personne qui jouait le maître est plus d'expérience. Non, c'est pas. Adrien dit méchant là. Voilà. Son rôle lui allait très bien. Mais lui, il adore l'adversité et c'était assez jouissif parce que lui-même, il prenait beaucoup de plaisir. Moi, je suis un gentil. Voilà, ce sera un jeu qui quelque part peut-être ne te convient pas. Mais alors, chers auditeurs, si vous aimez en foutre plein la tronche à vos joueurs, je pense que le jeu devrait me plaire. Hein. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Thomas le sadique. Et comme dit, bon, il y a des choses qui s'apprennent dans ce jeu. Il faut pas hésiter. Je pense encore à une autre partie, ça irait déjà mieux. À la prochaine partie, ça roulera tout seul pour moi. Adrien. Alors moi, j'y rejouerai aussi. Il y a des quelques points qui m'ont dérangé. Donc pour les résumer, c'est le fait qu'on puisse trop facilement refuser au maître et qu'il y ait un manque de cohérence dans l'ensemble. Donc du coup, moi, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup maîtriser. Alors, faire le méchant et torturer mes joueurs, c'est un truc que j'adore. Hein, là, il y a pas de souci. C'est peut-être pas le méchant que j'aurais le plus, avec lequel j'aurais le plus de facilité, mais bon. Les personnages, quand on crée le maître et les personnages, je trouve que la couleur est très très bonne. On a quelque chose de très riche. Le village pourrait peut-être être un peu travaillé, juste donner deux trois mots, deux trois petits quelque chose, parce qu'on l'a pas trop abordé. On l'a pas fait quand on a dû définir la région. Mais effectivement, on a un background vraiment très très fort, des personnages qui sont vraiment très beaux au final. Ils sont torturés, ils ont leur, on les sent bien. Et du coup, ouais, moi un des détails pour l'instant sur lequel je doute beaucoup, donc là faudrait que je teste pour voir, c'est les dés que l'on peut demander avec du roleplay. Parce que en fait deux choses, ça force des réussites trop faciles en restant au maître, et surtout ça force un roleplay systématiquement le même, c'est-à-dire qu'on va systématiquement faire appel à nos sentiments larmoyants, alors que on peut le jouer de façon larmoyante, on peut le jouer, enfin il y a plusieurs façons de le jouer, et là le fait que les dés soient de plus en plus importants avec certaines certains sens derrière, on tend systématiquement à jouer la scène de la même façon. Mais en même temps, alors attention, ça, je pense que d'un point de vue mécanique, c'est la carotte. C'est parce que je pense que les gars, quand ils ont créé le jeu, peut-être qu'effectivement, ils ont mis la scène que vous jouez tout le temps avec beaucoup de points, parce qu'ils s'est aperçu que ces joueurs le faisaient très peu, alors qu'en fin de compte, lui, ça lui apportait beaucoup dans le jeu. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension de, c'est peut-être un groupe de jeu ou une table ou une manière de jouer qui était particulière. Bon. C'est, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de règle où il faut avoir, comment dire, une espèce de, il faut que ce soit de l'ordre du contrat social, c'est-à-dire on se met d'accord sur, utiliser ces dés-là, mais pas trop, quoi. Ouais, c'est ça, n'en abusez pas. Faut le voir. Faut pas non plus systématiquement refuser au MJ. C'est, par exemple, si ça concerne un de nos liens amoureux, effectivement, c'est logique d'essayer de refuser. Si ça concerne celui d'un autre sbire, après tout, bon, tant pis pour lui. Emmanuel. Oui, bah pour finir, c'est vrai que c'est surtout ce gros problème de cohérence, moi, qui m'a dérangé. Et effectivement, alors après, on passe pas un mauvais moment, mais j'ai vraiment le sentiment de plein de petits moments sympas accrochés qui, pour moi, ne font pas une partie intense. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir enchaîné plusieurs scènes, pour toi, ça t'a pas créé une histoire cohérente, ça t'a fait plusieurs scènes. Voilà, donc il y a une implication qui serait possible, parce qu'effectivement, comme tu dis, les personnages, finalement, sont beaux, on a un background qui est intéressant, mais on n'est pas plongé dedans. Donc, donc toi, pas un gros avis sur ce jeu, t'y rejoueras pas? Je pense pas. Ou alors, peut-être du côté du maître, effectivement, et puis en essayant de creuser un peu une ligne directrice. Ah, maintenant, vous voulez tous devenir maître. Le virus est passé. Alexis, tu partages ça? Non, pas spécialement. Déjà, ça ne m'intéresse pas forcément de faire souffrir mes joueurs à longueur de temps. Donc, certes, j'essaierai un jour d'être maître, mais ce n'est pas fondamentalement mon truc. Donc, moi, je ne suis pas un partisan des jeux où il y a des scènes. J'ai toujours trouvé ça assez pauvre, en fait. Enfin, le fait d'avoir ces coupures me dérange fondamentalement. Il va falloir m'expliquer ça un peu plus. Le fait de monter un jeu par le fait de monter un jeu par rapport à des scènes me dérange, en fait. Je trouve que ça casse le côté instinctif du jeu. Parce que t'es obligé de réfléchir sur pourquoi ta scène. Et tu vois, je trouve que ça fait perdre la fluidité. Et c'est peut-être ça qui fait perdre la cohérence pour eux. Pour autant, je trouve pas que le jeu soit incohérent. Ouais. Bon, sur les scènes, je tiens à dire, je ne suis pas d'accord, mais enfin, peut-être un autre one shot. Oui, oui, peut-être, mais un podcast complet. Non, c'est qu'un avis personnel. Enfin, je pense que c'est bien construit, mais j'arrive pas à adhérer à cette façon de jouer, en fait. Pourtant, je trouve pas que le jeu soit pas cohérent, et je le recommande, même si au final, même si la couleur change, on se retrouve beaucoup à faire un rigor mortis, oui, Seigneur des Ténèbres, mais en jeu de rôle. Oui, non, juste faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. C'est pas le jeu qui est pas cohérent. C'est vraiment le manque d'histoire cohérente. C'est pas pareil. Quelque chose à rajouter, Fabien? Ouais, je m'interroge. On a une. Alors, bon, chaque partie est différente, donc c'est pour ça. Même le principe de ces one shot là, j'aurais bien aimé en parler avec Rome. M'interroge un petit peu parce peut-être qu'il fera un ajout à la fin. On sait pas. Ouais, mais quand il aura il m'a déjà arrivé de jouer à des jeux que j'ai adorés et puis à d'autres parties. Une partie après, c'était le même jeu. Bah, dis donc, j'ai pas vu ça. Et inversement. Donc là, la partie était un peu mi-figue, mi-raisin. Peut-être que la prochaine partie sera trop géniale. On l'espère tous. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah. Non, mais en tout cas, moi j'aurais juste un dernier mot à dire. En tout cas, on voit, après vous avoir écouté, que le jeu, donc, d'une part, d'après Fabien, manquerait plus de clarté et de précision donc, sur le contenu. L'utilisation des règles. Ensuite, bon, bah, ça a l'air d'être un jeu qui n'est pas pour tout le monde, puisque le rôle du maître a l'air d'être quand même assez dur et le rôle du sbire a l'air de l'être aussi. Ouais. Donc n'importe qui peut pas jouer. Mais en fin de compte, quand même, quelque part, hormis deux, vous êtes à peu près tous capables d'y rejouer. Donc c'est bon. C'est une bonne chose. Ouais, moi, je suis repartant. On est tous capables d'y rejouer. Bon, on fait un scénar juste après, alors. Hein, parce que moi, j'aimerais bien tester maintenant que j'ai vu ça. Si tu veux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut. Salut.